On est du béton, coulé dans l'underground, je te le répète. On n'attendra pas les pièges, encore moins les traverses à piétons. C'est con, mais j'ai pas perdu mon crayon à mine. Encore en santé, shit, le coup carbure aux vitamines. Nos fans sont partout, certains sont là depuis l'an 2000. Show love quand on importe le hip-hop dans leur ville. On se support rapidement, so bring ta pompe jusqu'au bal. Qu'on passe, qu'on bondit comme une balle de ping-pong. J'ai été conçu pour durer. Quand je prends le mic, je te nourris comme avec un pot de purée. Mes textes sont jamais passés d'âge, je garantis à vie. Si j'avais laissé fondre le rap, tu serais pris dans mon tsunami. 12 bars de rap sur un rough sound. Punchline qui knockdown, du vrai rap dans votre langue. Été comme hiver, on est en tour. Toujours pas prête à céder notre place ou passer le flambeau. Une décennie plus tard, les mêmes gars qui m'entourent, les mêmes qui rentraient dans les bars avec de l'alcool dans les manteaux. On est resté en vie malgré les downloads en trop. Le rap l'a marqué, crois-moi, je l'ai dans peau. Pendant que les autres parlent, on agit. C'est pas ton jour de chance, t'as gagé contre nous, t'as perdu ton pari. Vas-y, yo, c'est le temps de te comparer. Pendant que j'allume le mic comme une dynamite pour te bombarder. En 9-9, on était 3. 3 ans plus tard, 2 boys qui se décourageaient pas. Question qu'on abandonne après ces années-là. Depuis de chaîne, on s'en crisse, on vous écoutait pas. On vous écoutait pas, non. En 9-9, on était 3. 3 ans plus tard, 2 boys qui se décourageaient pas. Question qu'on abandonne après ces années-là. Depuis de chaîne, on s'en crisse, on vous écoutait pas. Si tu cherches la vérité, viens faire un tour dans mon laboratoire. Loin des zones FM qui ont mis le hip-hop dans un moratoire. On s'en y caille ici, la preuve on est là-bas à soir. Pendant que les artistes qu'on a blessés sont au bloc opératoire. On me porte à boire, mes textes brûlent comme du méthane. Avec eux, j'ai converti des milliers de fans de métal. Le devil pour un piece, mon rap littéralement une alternative à tous ceux qui prennent des calmants légalement. La chenille est devenue papillon depuis du coin de l'œil. La fille est devenue cendrillon. Je l'ai déjà dit, je suis partout, je fais pomper les foules. Ça fait jaser les coquilles quand on fait danser les boules. C'est pour les cons qui nous ont dit, pour le monde qui nous ont dit non. Dans l'industrie comme toutes les fucking maisons de disques. Dès le départ, on avait une raison de plus. On est bâti un empire depuis le temps, on fait ce qu'on peut. Hip-hop is dead, mais j'ai pas fait mon deuil. Si c'est vrai, laissez-nous seuls, faut rendre hommage à son œuvre. Tu penses qu'un jour, on va disparaître, mon œil. Je me barrer dans le rap keb, tu pourrais être mon fiel. Je rappe avec mon cœur, pas avec un flingue. Pourquoi mettre un frein, une carrière qui vole haut comme un plane. Même les poches vides, on s'est frayé un chemin. Si tu le savais pas encore, on est parti de rien. En 9-9, on était 3. 3 ans plus tard, 2 boys qui se décourageaient pas. Question qu'on abandonne après ces années-là. Depuis de chaîne, on s'en crisse, on vous écoutait pas. On vous écoutait pas, non. En 9-9, on était 3. 3 ans plus tard, 2 boys qui se décourageaient pas. Question qu'on abandonne après ces années-là. Depuis de chaîne, on s'en crisse, on vous écoutait pas.